Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. Le 8 de Toto Africa est paru en 1982. Weezer l'a repris dans une version très proche de l'original en 2018. Salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Copie non conforme. Un autre titre paru en 1982 est celui de Roxy Music, More Than This, extrait de l'album Avalon et qui a aussi illustré le film Lost in Translation de Sofia Coppola. Les Mille Maniacs l'ont repris en 1997 avec le chant féminin de Nathalie Merchant. Oh, Copie non conforme. Brand New Cadillac, c'est le classique de Vince Taylor and His Playboys, que l'on écoute aussi en version live par The Clash. She ain't never coming back. Copie non conforme. On va écouter maintenant une très belle version de La vie en rose d'Edith Piaf par la jeune américaine Lucie Dacus. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui aujourd'hui. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Hold me close and hold me fast, this magic spell you've cast. I see la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs. And now I close my eyes. I see la vie. Speak. qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Copie non conforme. On termine cet épisode de Copie non conforme par le titre Get on Your Knees des Espagnols Los Canarios, interprété aussi par les Grenoblois The Batman en 1986. You're wrong, away from vous a plu? Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !